perdu ma force et ma vie, mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. J'en étais déjà dégoûté. Stop.